Le 23 mars, l'Action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Bakounine a organisé une conférence de presse dans la salle de réunion de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques à Séoul pour proclamer de livrer le 25 courant une manifestation 21e journée de l'Action pan-nationale sur le sujet « La bougie ne s'éteint pas ». Cette formation a tenu le 20 une conférence de presse devant le siège du Parlement sud-coréen pour réclamer la liquidation des vices de Bakounine et l'édification d'une société nouvelle. Par ailleurs, selon le journal d'internet sud-coréen Le Vrai Monde, ce jour-là, les artistes, les ouvriers et autres populations sud-coréennes se sont réunis devant le journal Joseon Ilbo qui a profané la lutte contre Bakounine.